Book 2 خمسة عشر 15 الثمار والمواد الغذائية Fruits et aliments معي حبة فراولة J'ai une fraise. معي حبة كيوي وشمامة. J'ai un kiwi et un melon. معي برتقالة وحبة grape fruit. J'ai une orange et un pamplemousse. معي تفاحة وحبة مانجو. J'ai une pomme et une mangue. معي موزة وحبة أناناس. J'ai une banane et un ananas. أنا أعمل سلطة فاكهة. Je fais une salade de fruits. Ana akul qit'at toast. Je mange un toast. Ana akul qit'at toast ma' zibda. Je mange un toast avec du beurre. Ana akul qit'at toast ma' zibda wa murabba. Je mange un toast avec du beurre et de la confiture. Je mange un toast avec du beurre et de la confiture. Ana akul sandwich. Je mange un sandwich. Ana akul sandwich bil margarine. Je mange un sandwich à la margarine. Ana akul sandwich bil margarine wal tomatem. Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates. Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates. نحتاج إلى خبز وأرز. Nous avons besoin de pain et de riz. نحتاج إلى سمك وستيك. Nous avons besoin de poisson et de steak. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباغيتي. Nous avons besoin de pizza et de spaghetti. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Avons-nous besoin d'autre chose? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Nous avons besoin de carottes et de tomates pour la soupe. أين السوبرماركت؟ Où est le supermarché? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.